Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes en ce mercredi au chapitre 9 de l'Évangile de Marc, et nous allons prier notre Dieu. Notre bon Père du ciel, on a vu que tu as déclaré hier la race humaine incrédule, mais on a vu aussi que tu veux produire en nous la foi. Tu as amené des millions d'hommes et de femmes depuis des millénaires. Tu les as amenés à croire. Et tu as manifesté qui tu étais par des miracles, comme nous avons vu, par le fait de chasser des démons, comme nous avons vu. Et on te bénit, on te glorifie, que tu es venu parmi une race d'incrédules, pour emmener des hommes et des femmes à la foi. Sois béni, sois glorifié, sois exalté dans nos cœurs ce matin. Amen. Ce que nous avons vu hier, le fait de chasser un démon, est arrivé après la transfiguration. Est arrivé après le fait que les disciples avaient eu beaucoup de misère ou avaient pas voulu accepter que Jésus avait dit qu'il était pour souffrir, mourir et être jeté et ressusciter le troisième jour. En partie, la raison qu'ils n'ont pas accepté le fait qu'il meure, c'est qu'ils ne comprenaient pas la résurrection. Mais ce matin, on va lire un texte. Et Jésus va répéter pour une deuxième fois qu'il va mourir et être jeté. Et je crois qu'il va nous donner un autre indice. Pourquoi l'être humain refuse en grande partie Jésus comme Messie, un Messie souffrant, un Messie mourant, un Messie rejeté et malmené et en croix. C'est ce que l'apôtre Paul dit, qu'un Messie en croix, c'est une folie. C'est une folie pour la plupart des gens. Mais le texte va nous donner un peu de lumière sur pourquoi est-ce que les disciples eux-mêmes, les gens autour de Jésus, n'ont pas finalement voulu l'accepter comme il s'est présenté. Lisons ensemble à partir du verset 30 jusqu'au verset 40. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait à ses disciples et leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un va être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, » répondit Jésus, « car il n'y a personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. » Nous savions pas hier où est-ce que la transfiguration a eu lieu. Nous sommes pas sûrs non plus d'où est-ce que, dans quel endroit Jésus était quand il a chassé le démon. Mais il était plus seul, il était revenu vers la foule. Et on a vu à la fin de notre histoire hier qu'il est rentré dans une maison. Quelle maison? Est-ce que c'était la maison à Capernaum? Pas sûr, peut-être. Mais ici, ce qu'on est sûr au verset 30, ils partirent de là. Est-ce que c'est de Capernaum? Peut-être. Et ils traversèrent la Galilée. Ils traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Donc, il voyage, il se promène, il passe d'une place à l'autre, d'une façon incognito, si je peux dire ainsi. Il se cache parce qu'il a une idée, c'est d'enseigner ses disciples. Il sait que le temps se termine. Mais qu'on arrive au chapitre 10, il va se rendre en Judée. Et là, il va passer du temps à instruire les gens en Judée et en Jérusalem. Et là, il va mourir. Donc, il passe du temps à enseigner ses disciples. On ne sait pas tout ce qu'il a enseigné. On en sait des petits bouts, comme au verset 31. Il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Il répète pour la deuxième fois qu'il va mourir bientôt, qu'il va être rejeté, qu'il va être méprisé, qu'il va être mis à mort et qu'il va ressusciter le troisième jour. Mais comme la première fois qu'il leur a parlé de la résurrection des morts, les disciples ne comprenaient pas cette parole. Et ils craignent de l'interroger. Est-ce que ça vous surprend? Ils craignent de l'interroger. Ils craignent. Pourquoi donc est-ce qu'ils le craignent? Qu'est-ce qui les pousse à avoir peur d'interroger Jésus sur cette parole qu'il venait de leur dire pour la deuxième fois, sa mort et sa résurrection? Donc, ils arrivent à Capernaum. Ils traversent la Galilée, ils se promènent. Finalement, ils arrivent à Capernaum. En arrivant à Capernaum, lorsqu'il fut dans la maison qu'on pense de Pierre et de Jean, d'André, excusez, il leur demande une question. De quoi discutez-vous en chemin? De quoi est-ce que vous parliez entre vous? Donc, ça veut dire que Jésus n'était pas avec eux tout le temps, constamment, était-il un peu en avant? On va voir un peu plus loin que des fois, ils le suivent un peu en arrière. Ils sont presque mal à l'aise, des fois, d'être avec Jésus. À cause de ce qu'il dit, ce qu'il fait, des fois, ils sont un peu mal à l'aise. Ils suivent un petit peu en arrière. Mais en tout cas, ils sont d'une chose certaine, ils ne sont pas avec Jésus. Il y a certains temps que Jésus était comme seul à l'écart, du moins. Parce qu'il leur demande de quoi est-ce que vous discutiez en chemin. Mais ils ne posent, ils répondent pas, ils gardent silence. Ils ont honte, je crois. Ils ont peur de ce que Jésus pourrait leur répondre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. On ne parlait pas physiquement, hein? Vous savez ça. On ne parlait pas qui est le plus grand ici. Qui mesure 5 pieds, 6 pieds, 7 pieds? Qui est le plus grand? Non, c'est pas ça qu'il parle. Qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu? Qui Jésus va-t-il placer en tête? Un peu comme Jacques et Jean qui ont posé la question. Seigneur, fais que quand tu vas établir ton royaume, moi et mon frère, on soit assis à ta droite et à ta gauche. Et les disciples sont tous en colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont discuté qui était le plus grand. Ils veulent être le plus grand dans le royaume de Dieu avec Christ. Il va être le premier ministre ou les sous-ministres avec Jésus-Christ. Moi, j'ose dire, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas et n'acceptent pas ce que Jésus est en train de déclarer à son sujet. Parce que pour eux, le royaume de Dieu, c'est une question de prestige pour eux. Qui va être le plus grand? Qui va être assis à sa droite et à sa gauche? Qui Jésus va-t-il établir dans le royaume comme premier ministre, ou comme ministre des Finances, ou à l'éducation, ou à la santé. Qui va être le plus grand? C'est pour ça qu'ils n'ont pas compris, ou qu'ils n'ont pas accepté quand Jésus a dit la première fois, je vais mourir. Et Pierre a dit, non, ça n'arrivera pas. Parce que si tu meurs, il n'y en aura pas de plus grand. Il n'y aura pas de royaume. Pourquoi est-ce qu'ils craignent de l'interroger sur ces choses-là? C'est parce que dans leur cœur, ils veulent être plus grands. Jésus va dire une fois à des chefs religieux, vous ne pouvez pas comprendre et vous repentir et croire parce que vous recherchez la gloire des hommes. Vous voulez être les premiers, les plus grands. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas l'enseignement de Jésus. C'est pour ça qu'ils ne l'acceptent pas. Le royaume de Dieu, ils ne le conçoivent pas. Parce que dans le cœur humain, il y a cette pensée, cet orgueil. Je veux être le premier. Je veux être le plus important. Combien j'ai vu de couples qui discutent, qui s'ostinent, qui se séparent, qui se divorcent, pour savoir qui est le plus grand, qui est le plus important, qui va avoir raison. Combien de désordres et de guerres et d'animosité vient du fait que l'être humain veut être le plus grand. Hommes et femmes, c'est la même maladie. Qui veut être le premier? Et combien de fois, chers amis, Jésus va revenir à ça? Et là, pour les aider à comprendre, pour les aider à faire l'étape, il dit au verset 35, il appelle les 12. Il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, vous voulez être le premier? Il leur a pas dit... Qu'est-ce qu'il avait discuté? Mais Jésus le sait. Si vous voulez être le premier, il faut que vous deveniez le dernier. Si tu veux être le premier, et qu'il faut que tu deviennes le serviteur de tous, ben voyons, Jésus, de quoi tu parles là? De quoi est-ce que tu radotes là? Si tu es le premier, c'est que tout le monde te sert. Si t'es le plus important, c'est que tu as des serviteurs sous toi. Si tu es un homme riche et puissant, tu as des femmes de ménage, tu as des jardiniers, tu as des gens qui travaillent pour toi, tu as des serviteurs. Si tu es le ministre, le premier ministre, c'est que tu as des ministres autour de toi. Si tu es le président de la compagnie, c'est que tu as un paquet de cadres sous toi. C'est la pyramide. L'homme voit, l'être humain voit le monde comme une pyramide, lui au top et les autres autour. Jésus dit non. Si tu veux être le plus grand dans le royaume de mon Père, il faut que tu deviennes le plus petit. Et là, il leur prend une leçon de chose, il prend un petit enfant, il le prend dans ses bras et il dit au verset 37, « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Et là, à partir de ce verset-là, il y a des milliers et des milliers et des milliers de gens qui ont parti des orphelinats et qui s'occupent des enfants, pensant accomplir le verset 37. Non. C'est pour ça que Jésus parle ici. Jésus n'est pas en train de dire, si je fais du bien, si je pars des organismes pour s'occuper des enfants qui sont seuls ou qui ne sont pas seuls, je fais du bien, j'accomplis la volonté de Jésus. Jésus, ici on manque une expression qui est importante. Celui qui reçoit en mon nom un enfant. L'enfant, c'est celui qui est le plus petit. Si je reçois l'enfant dans une foule, ben c'est pas ça qu'on pense qu'il va nous valoriser. Nous, ce qu'on veut, se tenir, c'est aux côtés du premier ministre. Ça fait de moi quelqu'un d'important. C'est pas de tenir un enfant dans mes bras qui me rend important. C'est d'être cadre dans une grande société qui me rend important. C'est d'avoir des gens sous moi qui me rend important. C'est pas d'avoir un enfant, mais dit quelqu'un. Si tu reçois le plus petit personne dans le monde en mon nom, ça veut dire que à cause de moi, pour moi, en raison de moi, tu reçois la personne la plus petite. Tu t'occupes de la personne la plus petite. Tu me reçois moi-même. Ça veut dire que tu as compris. Tu as compris qui j'étais. Parce que tu le reçois en mon nom. Tu as compris qui j'étais. Tu vois le royaume comme je le vois. Tu vois la race humaine comme je la vois. Parce que dans mon royaume, c'est pas le plus grand qui est le premier. C'est le plus petit qui est le premier. Donc, si tu perçois le royaume comme moi, en mon nom, tu vas t'occuper même du plus petit parmi les êtres humains. En mon nom. Pas parce que les enfants, c'est des petits anges. Pas parce qu'ils méritent que tu t'occupes d'eux autres. Pas parce qu'ils sont plus gentils que les gens âgés. Pas pour ça que Jésus parle ici. Mais il dit, t'es en train de dire que si tu reçois un enfant en mon nom, à cause de moi, à cause de mon royaume, tu me reçois moi-même et tu reçois mon Père qui m'a envoyé. Tu as compris le royaume de Dieu. Tu as compris le genre de royaume que je veux établir. Tu as compris le genre de Christ que j'étais. Mais à cause qu'il va être le plus grand, il ne s'occupe pas des enfants. Ils veulent se tenir à gauche puis à droite de Jésus. Et là, il donne un autre exemple. Il dit, au verset 38, Jean dit, « Seigneur, il y a quelqu'un qu'on a vu qui chassait des démons en ton nom, puis on l'a arrêté. » Jésus dit, « Ben non, arrêtez-le pas. Si, n'importe qui en mon nom, encore une fois, voyez-vous l'expression revient? Si quelqu'un en mon nom chasse des démons, il ne peut pas par la suite parler mal de moi. Si en mon nom il chasse des démons, ben laissez-les faire. C'est parce qu'il a compris qui j'étais. Il a compris qu'est-ce que j'étais en train de faire. C'est en mon nom qu'il chasse les démons. Il dit, et si moi je réponds, parce que la personne n'a pas de puissance en lui-même, mais que Jésus ou Dieu, à cause que la personne le fait au nom de Jésus, Jésus lui accorde la puissance et la force de chasser les démons. Mais cet homme-là, cette femme-là, ne peut pas se lever de bord et parler en mal de Jésus après. Et celui qui est pas contre nous est pour nous. Quiconque fait les choses en mon nom, acceptez-le. Acceptez-le, parce qu'il le fait en mon nom. Vous savez, peu importe ce qu'on fait dans la vie, si on le fait au nom de Jésus, on ne veut pas être le plus grand. Ça manifeste qu'on ne veut pas être le plus grand. On fait les choses au nom de Jésus, pour Jésus, en son nom. Donc, on veut que lui soit le plus grand, que lui soit glorifié, que lui soit exalté. On chasse un démon en son nom. On reçoit un enfant en son nom. On prêche l'évangile en son nom. On pratique un ministère dans l'Église en son nom. Pas pour être le plus grand. Pas pour être le plus grand. Quand on veut être le plus grand, on ne comprend rien. Quand on veut être le plus grand, on ne se tient pas avec les enfants. Quand on veut être le plus grand, on veut empêcher les gens qui sont des compétiteurs, si je peux dire. On veut que ce soit nous qui paraissent et non pas les autres. On fait les choses en son nom. Oh, mes frères, mes sœurs, c'est tellement simple, mais c'est tellement important. Parce qu'ils voulaient être les plus grands dans le royaume de Dieu, ils ont manifesté qu'ils n'ont pas compris quel genre de Messie Jésus était. Ils n'ont pas accepté que Jésus t'a pour souffrir et mourir et ressusciter. Parce qu'ils voulaient être le premier. L'orgueil humain empêche l'homme de rentrer dans le royaume de Dieu. Mon Père du ciel, merci de nous avoir instruits encore ce matin. Que tout ce que nous le faisons, nous devons le faire en ton nom.